Wish City, le soir. Je m'appelle Squeak, je suis un creuseur. Bon nombre de mes compatriotes sont des creuseurs. Tous les Baefwish d'ailleurs ont été un jour ou l'autre creuseurs. Je suis un Baefwish, un gnome, un de ceux qui creusent des galeries pour que notre cité s'étende, pour que l'on construise encore et encore. Wish City est une grande ville, un amas de tours de pierre reliées par des couloirs aériens et des multiples lignes de chemin de fer sur lesquelles s'essoufflent les chariots de transport. Comme toute grande ville, Wish City connaît ses problèmes de circulation. Comme toute grande ville, Wish City possède ses bars de nuit, où les creuseurs viennent se détendre après une dure journée de creuseurs. Qui va les payer les 43 bières que tu me dois à vous, hein? C'est ma mère, peut-être? Bah, je sais pas. Tu veux pas lui demander? Putain, t'abuses, Booze! Hein, waouh! T'abuses, Booze? Booze, t'abuses? Ah, ah! Ange! Ouais! Bon, tu me la sers, cette bière? Ouais. Ouais, ouais. Allez! Allez, chouchoute! La pluie des couilles! Vas-y, pense, cours, allez, vas-y, ouais. Et c'est Bernie qui prend l'avantage. Bernie qui court, il court, altercation avec Samozar. Là, là, là, là, ça va faire mal. Samozar est à terre. Les brancardiers rentrent sur le terrain. Bernie s'approche de la ligne de marquage. Il passe 1, 2, non, 3 adversaires. Magnifique, il tire et passant par les lignes adverses sans rencontrer de bouchard. Fantastique Shinky! Je ne vous le fais pas dire, Winky, quelle belle action! N'empêche qu'il aurait petit dû lui latter les couilles! Je vous l'avais dit que c'était ce qu'il fallait qu'il fasse! Le Squeeball, le sport national des Baefwish. Un peu compliqué à expliquer, mais les règles du jeu tournent autour d'un seul et même principe. Plus on tape fort, plus on a de chances de gagner. La télé retransmettait l'un des matchs les plus attendus de la saison. Et tout le monde ici, au bar de Spoon, terminait sa journée autour d'une bière, à parier sur quelle équipe allait remporter le championnat. Il a marqué ? Qui c'est qui a marqué ? C'est Bernie. Oh, je le savais ! Le meilleur joueur de première ligne ! Bernie ! Ouba ! Siffle le cinquième temps, une bien belle avance hein, pour l'équipe de Bernie. On souhaite la publicité. Il y a une règle ici à Wish City. On peut parler en regardant n'importe quel programme. Mais lorsque la pub passe, on se tait. On écoute, on suit. Et on achète dès la première occasion. C'est pour favoriser l'économie, paraît-il. Ça peut vous sembler étrange, mais nous, on vit comme ça. À la télé, 80% des programmes sont de la publicité. Il y a même des rétrospectives et un festival. Quand un Baefwish va au cinéma, c'est pour y voir les dernières publicités sorties. Voici pour le match de Squeeball le plus attendu de la saison, en direct du stade de Wish City. Alors les creuseurs, on prend des paris? Rosencraft, il venait d'entrer dans le bar comme en terrain conquis, accompagné d'une dizaine de ses sbires. Des pauvres types qu'il suivait au pied de la lettre, des gnomes sans un brin d'intelligence. Qu'est-ce que tu viens faire dans mon bar, Rosencraft? Ici c'est un bar de creuseurs, je sers que les creuseurs, pas les bâtisseurs. Ah, les creuseurs. Rosencraft a légèrement incliné la tête vers ses amis, comme pour leur intimer de rire. Vous creusez? Nous bâtissons la logique des choses. Vire d'ici, Rosencraft. Est-ce que je t'ai sonné, Squeak? Non, mais si tu sonnes mon copain, fais bien gaffe. Parce que si t'arrives à te faire sonner, tu verras, hein. Je constate, cher Squeak, que tu ne te sépares jamais de ta grosse brute épaisse. Je ne suis pas une... Hé, hey, Rosen, on devrait y aller. Il y a d'autres bars pour prendre des coups. Rosencraft a paru hésiter un instant. D'un geste de la main, il a balayé l'air. Pouah. On se retrouvera, Squeak. Et vous, les Crozers, vous avez intérêt à finir votre boulot rapidement dans la galerie Est. On a des choses à construire, nous. Et ils sont sortis, les bâtisseurs. À Wish City, un bâtisseur était toujours plus fort, mieux payé et plus respectable qu'un simple creuseur. Vous et moi, on était juste des creuseurs. On était des milliers à creuser.